Chapitre 116. L'autorisation de boire dans tout type de récipient pur, sauf s'ils sont en or ou argent. L'autorisation de boire directement dans un fleuve sans utiliser les mains ou un récipient. Et l'interdiction d'utiliser les récipients en or ou en argent pour notamment boire, manger ou se purifier. 774. Anas, radiyallahu anhu, rapporte. Un jour, l'heure de la salat arriva. Ceux dont les maisons étaient à proximité rentrèrent chez eux pour effectuer leurs ablutions. Les autres restèrent. Une pierre en forme de récipient, trop petite pour qu'ils puissent y plonger la main, fut alors apportée au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, tous purent effectuer leurs ablutions. On demanda, « Combien étiez-vous ? » ?»« Plus de 80, » dit-il. Al-Bukhari, dont c'est la version, est muslim. D'après une autre version rapportée également par Al-Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam demanda un récipient avec de l'eau. On lui présenta un vase large et peu profond, contenant un peu d'eau dans laquelle il trempa les doigts. Anas ajouta, « J'ai alors vu de l'eau jaillir d'entre ses doigts. J'ai estimé qu'entre 70 et 80 personnes firent leurs ablutions avec cette eau. » 775. Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, rapporte. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous rendit un jour visite. Nous lui apportâmes de l'eau dans un vase en cuivre dont il se servit pour effectuer ses ablutions. Al-Bukhari. 776. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avec l'un de ses compagnons, se présenta chez un Ansar et lui dit « Si tu as de l'eau qui a passé la nuit chez toi dans une outre, nous voulons bien en boire. Sinon, nous boirons directement à la source. » Al-Bukhari. 777. Selon Hudhaifa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit aux musulmans de porter de la soie ou du brocard et de boire dans des récipients en or ou en argent, en disant « Ceux-ci sont pour eux, les mécréants, ici-bas, et pour vous, dans l'au-delà. » Al-Bukhari et Muslim. 778. D'après Salama, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui boit dans un récipient en argent ne fait qu'avaler du feu de l'enfer. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, « Celui qui mange ou boit dans un récipient en or ou en argent, » dans une version encore différente de Muslim, « Celui qui boit dans un récipient en or ou en argent ne fait qu'avaler du feu de l'enfer. »